mains en l'air, que personne ne bouge. Oh bah, de toute façon, si vous pensez me faire bouger avec ça, vous savez. Oh, je vous ai jamais impressionné, Evelyne. Dommage, j'aurais bien aimé. Hein. On aurait pu faire une bonne bande tous les deux. Émission sur hold-up et cambriolage en tout genre aujourd'hui. Alors, le hold-up, voilà un mot qui nous vient bien sûr directement des États-Unis. Et c'est dans les années 1930 qu'on le trouve dans le lexique français. Grande époque du banditisme, Chicago, etc. Qui dit hold-up dit effectivement bandit, endroit public, genre banque et bijouterie. Je vois que vous vous y connaissez. Qu'on a l'intention de dévaliser, mais attention, sous la menace des armes, si bien qu'on va demander aux gens de mettre les mains en l'air. Hold your hands up. On est bon en anglais aussi. Hein. Je pense qu'on va monter une petite association tous les deux. On peut le dire de façon plus française et peut-être plus juridique, il s'agit d'un vol à main armée, et si on veut employer un vocabulaire plus argotique, on parlera d'un braquage. Braquer une arme sur quelqu'un, c'est la diriger vers quelqu'un. Et la construction syntaxique du mot a légèrement changé, puisqu'on dit maintenant, et de façon familière, braquer quelqu'un, c'est-à-dire pointer son arme vers lui. L'attaque à main armée, quant à elle, serait peut-être plutôt dirigée contre des véhicules. Vous voyez, des trains, des diligences, enfin des véhicules en mouvement. Même les fourgons, le fourgon postal, vous vous souvenez de cette grande affaire au début des années 60 en Angleterre? Le cambriolage est un terme, lui, qui est finalement beaucoup plus large, puisqu'on peut à la fois cambrioler une bijouterie, mais également un appartement privé. Alors, c'est un mot qui nous vient de l'argot, la cambriole, lui-même dérivé d'un mot qui signifiait la chambre. Donc là, on sent très bien le sens profond du mot. On pénètre dans une maison et on va même jusqu'à la chambre, qui en est peut-être l'endroit le plus intime. Alors, en général, il s'agit d'un vol avec effraction, mais pas toujours. Si une fenêtre est ouverte, eh bien, l'occasion fait peut-être le larron. Il s'agira quand même d'un cambriolage. En tout cas, un cambriolage se fait en l'absence de tout occupant, souvent la nuit, et c'est ça qu'il distingue du hold-up. Pour finir, précisons que cambriolage est un mot standard, alors que vol, avec ou sans effraction d'ailleurs, fait davantage partie du lexique administratif et juridique. Alors, qui dit bandit dit bien sûr argot, et il y a un terme argotique pour désigner le cambriolage, c'est le casse. D'où ça vient? C'est assez énigmatique, ça vient peut-être du verbe casser, c'est-à-dire qu'il faut quand même casser quelque chose pour cambrioler, casser une porte, un verrou, etc. Mais ça vient peut-être également du mot caisse, puisque le mot caisse très souvent s'est déformé en casse. Par exemple, dans le lexique de l'imprimerie, un bas de casse, au départ c'était un bas de caisse. Alors on ne sait pas exactement d'où ça vient, il y a eu un carambolage étymologique. Fric-frac aussi est un mot argotique, mais charmant. Oui, il est un petit peu désuet. Arsène Lupin. Oui, bande dessinée de l'enfance. Là aussi, l'origine en est extrêmement énigmatique. Alors, quand on pense à fric, bien sûr, on pense à argent. Mais il ne faut pas oublier que l'origine en est le fricot, ce que l'on mange. Quant à frac, eh bien, c'est la racine, comme dans fracasser, si vous voulez, racine qui évoque la brisure, la déchirure, l'éclat. Mais enfin, on ne sait pas trop bien d'où cela vient. Il existe également de plus petits larcins, des larcins qui peuvent se commettre sur la voie publique, en particulier le vol à la tire. Savez-vous ce que c'est que le vol à la tire? C'est le nom tout à fait précis qu'on donne au fait de vider la poche ou le sac d'un inconnu sans qu'il s'en aperçoive. C'est le fait d'un pickpocket, pour employer le mot anglais, qui est passé dans la langue française. Autre terme technique, si je puis dire, le vol à la roulotte, lorsqu'on vole dans un véhicule en stationnement, qui n'est pas forcément une roulotte d'ailleurs, c'est peut-être une voiture, et puis le vol à l'étalage, lorsque l'on prend au passage quelque chose qu'on n'a pas du tout l'intention de payer. Et dans un magasin.